Amour inconditionnel, l'innocence de deux corps et l'hirondelle qui nourrit les bonheurs des souvenirs. Elle est l'arc-en-ciel d'un jour de pluie, elle est l'espoir dans la guerre froide, et la tranquillité dans les gouffres sombres du deuil, elle est ma sœur. Le remède de la souffrance et la chaleur de ses bois, mourir dans son froid abandon n'est pas une option pour l'inconditionnalité d'un amour sincère et honnête qui cherche le bonheur mutuel.